Oui, bonjour mes chers amis. Bonjour, bonsoir. Un instant, tout bon ça. Voilà, je pense que ça va aller comme ça. Oui, bonjour, bonsoir mes amis. Et je pense que bah, week-end, désolé qu'à bien chez vous. Et bah, Oyobaza Namusala, nos amis Oyobaza Nangamboya Amérique, Bazanano la journée, Bazanamusala. Europe, Boza déjà, Bossi c'est déjà Misala. Et puis en Asie, Bambokebele Nazi, Baza déjà, Nabutu Bazola, là, c'est 2 heures. 2 heures du matin, Nabutu. Et voilà, merci. Toye Lissoussou, comme d'habitude. Pona Komekako, Kosolola, Makambo Etali, et Batebele, bah. Bazo mesana déjà na biso. Il faut qu'on mesana parce que il semblerait que na Congo ils en a ba norme. Il y a batumoko il faut ba se comporter ndengwana. Même na ka il y a ba difficulté, même na temps il y a ba épreuve. Il semblerait que comportement na bango il faut être qu'elle a toujours statico, il faut changer t'es. Et des fois, tu as mis la libanda dans la bamboka, moi, ma culture, elles ont changé. Hein. Donc, façon de concevoir les choses, elles ont changé. Et bah, tu mingi, bah, comprendre que surtout, bah, oyo bazali na mboka, na Congo, oyo ba kutana na ba situation na ba culture mususu te ba o comprendre te mais batu oyo ndenge nini ba juste akaboye et y a de ceux qui demandent na Congo mais pour la nini batu so ke yo vandi na poto ma comportement peut changer oui ça change de fois parce que ozali na culture outi na culture mususu et au kota na culture mususu. Et ma bah, principe moussoussou, ça change aussi façon abissoire quoi abandonner moi ma culture abissoire surtout des ma culture les négative on abandonne ça pourquoi je l'ai dit parce que Batou et Bélé qui disent prof Moussala na yo eza na réseaux sociaux té Moussala na yo ezali ko tangisa bana Moussala na yo ezali ko vanda calme. Na makambo nyonso ezoleka na mboka koloba eloko moko te ezala calme et bandeko wana napesaka bango tort te je ne les condamne pas nayebi ke bamesani na bandeko oyo bamonaka na Congo je fais allusion na baprofesseur d'université ya Congo mosala na bango so omoni baprofesseur d'université bazo réclamer quelque chose. Le professeur d'université à Congo ba réclamaka kaka ba salaire na bango. Hormis ba salaire na bango, jamais tout le monde a ba professeur d'université na Congo ba tambula pona social ya batu nyonso. Jamais ba kata ba cour pona social ya batu nyonso. Jamais ba kata ba cour pona insécurité na mboka, pona ba détournement na mboka. Alors, bande konabiso ba congolais ba mesani na culture wana, ba professeur congolais ba pesa balakisa bango. Façon bah se comporter ka et ceux qui ont se comporté différemment la façon y a ma professeur y a Congo alors là il y a des questions qui suivent professeur azalaka professeur réseaux sociaux ti yango yo tangi sarabana er nini même si bah yebi ke ozana vacances même si bah yebi ke tozali na Covid tout le monde est à la maison mais on te pose toujours des questions yango yo. Et réunion sur les réseaux sociaux, autant que ça va bien, soi-disant professeur, mais bien, autant que ça va bien, mon colonie, et réunion. On est organisé, hein? Tous allez organiser. Alors, donc, ils allaient comportement, bah, professeur à Congo, bah, garder silence, bah, le bakelo comme mon côté, qui se taisent par rapport à bah, injustice, bah, corruption, insécurité. Mais, la culture, il y a Essika, Ngaï a évolué. Le professeur, bah, allait toujours à cheval entre bah, auditoire, na bango, bah, laboratoire, na bango, na peuple, na population. C'est ça les professeurs d'université. Bah, professeur d'université, bah, zaka bah, va dans un laboratoire na bangote, ou bien na auditoire na bah, étudiant na bangote. Bah, professeur d'université, bah, zali bah, tumoko, oh, bah, zali attentif na situation sociale ya mboka. Oh, bah, zali attentif na ce qui se passe na mboka. Parce que au fait, bah, étudiant tango bazoya na auditoire. Ce qui se passe dans Mboka, situation sociale, bah, étudiants posent des questions à bah, professeur. Professeur na kaya boye, yo zo interprétant on dengenini. Yo zali koye bisabiso to se comporter dengenini. Voilà. Alors, parce que pour na kozala na ba réponse, yamala mon abe étudiant, ou bah koki ko pose yo sur le social, professeur pe il faut zala na katia social wana. Pour à échapper ma réponse T. Mais chez nous, voilà, ma professeur, ma yébanité. Ma yébanité, juste ce que ma maman a bandakou, leur femme ou bien leur mari, ma zopé sa bango rapport que non, mbongo ezo kokasouti a kosomba masangu, mbongo ezo kokasouti a kosomba boye. Voilà, les professeurs se réveillent pour que ba réclamer ba droit na bango, salaire na bango et mata. Mais, l'insécurité dans le pays, ça ne concerne pas les professeurs d'université à Congo. Les sociales, il y a Moutounioso, ça ne concerne pas le professeur et à l'université à Congo. Alors, il y a quoi dans l'outil que le baké, bon, mais ça n'a pas biso. Bon, mais ça n'a pas biso parce que biso, bisika tozali, to mesana kozala na population. On ne peut pas dissocier les professeurs du social. Non. Alors, les lots ou mais la mingité, on promet toujours comme ça, mais on aura toujours une heure, mais en tout cas, tu ça le maximum que tu les cas une heure. Les lots ou mais la situation, il y a sécurité en Bocanabiso, tu mais la mingi, oyo et outi ko les cas sikoyo, na outaï ko posté. Na Facebook nangai lobby que soki ba Congolais to sali attention te mboka ezokende na guerre civile soki to sali attention te mboka ezokende na guerre civile il semblerait que pa na biso ba Congolais ba prévoyaka te. Or, un intellectuel, ezali mutu oyo, ayebi ke azo sala likambo, ozali na plan. Il faut na sala likambo boye, pour na objectif boye. Mais, oza sûr, même si oza sûr ou bien oza sûreté, il faut ko prévoir likambo oyo na zo sala. Soki esimbite, wapi plan na ngai B. C'est-à-dire, pour ne pas regretter totalement, n'attendons pas qu'on ait les résultats escomptés. Qu'est-ce que je dois faire directement au lieu de bander la zéro, pour qu'on ait un plan sous et qu'on ait un temps. Qu'on prévoit les alliés qu'on gouverne. Gouvernement, il faut avoir un matoï milaï qu'on yoka. N'attendons pas gouvernement les alliés qu'on yoka. A vérifier Makamba Yoki, Natango a remarqué qu'ils allaient véridiques, gouvernement à prévoir, à anticiper que Mabé est yaté. C'est ça gouverner. C'est ça le leadership. Natango tozoloba awa que Mboka na biso ezali kokende, soki tokebite, ezo kokende na guerre civile. Gouvernement, soki tozali gouvernement ya solo na bato o bazali conscient. Soki ba yoki biloko wana, ils vont vérifier. Mais bato, pourquoi bazoloba? ki tozali pembeni ya kokende na guerre civile soki tosali keba te. Na ntango baverifie makambo bato balobi baantisipe pour ke guerre civile wana ezala te. Nalekaki awa presque soki bolandi ba video na ngai nyonso kobanda video ya liboso na bimaki nalobelaki makambo ya retour a barefugie. Vous remarquez que ce que j'ai dit ezali ndenge nalobaki et Félix ne s'est pas préparé pour recevoir ces gens de la diaspora. Bato oyo bafingaki nga na erwana ifale babima baloba non ozalaki na raison parce que omonaki mosika décision ya makambo ya retour ya réfugié esalamaka bongo te. Ça se prépare. Ye a se prépare à quitter, il a pris ses décisions. Alors, nalobaki mokolo mosusu awa ke Félix a recruté 2000 citoyens congolais kasayens na Mbunjimayi na ba périphérie ya Mbunjimayi. Nalobaki 2000 chômeurs. Bon, bamsusu bazalaki ba chômeurs te, mais ils se débrouillaient comme ça la bilanga, bamsusu creuser ba diamant, mais on leur a promis tokene na Kinshasa bokozwa misala. Je vous ai dit ezalaki eloko moko bato badai ko recruter ces sept des conseillers ya Félix entre autres, Vidi et Chimanga étaient parmi ba recruteurs ya batwana. Nalobaki yango ça fait déjà je pense 7 mois ou 8 mois. Nalobaki yango na vidéo ba vidéo na ezali. Bayaki na bato wana le 2000. Bande konabiso ba congolais kasayen. Na tango bakomi na bango na Kinshasa bayaki na bango par groupe. Na tango bakomi na Kinshasa il fallait ko luka wapi ko loger bango. On a demandé na ba oyo bazali na bandeko na Kinshasa bandeko ba héberger bango ba oyo bazali na bandeko te on a demandé na ba église oyo ezali tenu ba pasteur ba kolo ya ba église son frère Luba on a demandé à ce pasteur ba héberger ba bandeko wana na ba église na bango na ba permanence na bango. Je vous ai dit ça et na lobaki je nazo tia mutu na ngai a coupé 2000. Et parmi les églises que j'avais citées à cette époque-là, c'était l'église Aseka. Parmi les églises, bandekwana bakendaki ko tia bango. Et ezali na bato mosusu oyo bazali na bandako bie bangar quelque part, bandekwana balojaki bango. Mutu moko andimelaki ngai te. Mutu moko andimelaki ngai te. Par la suite, bandekwana ba bandi ko somela bango ba moto ba o ba yebaki okumba moto directement bazozo ba moto ba o ba yebaki okumba moto te ba leki na formation ya ko conduire ba moto e ba komi ba wewa e bozo remarquer que bande ko bazaine ki chasa mingi mingi ba wewa mingi soki ozwi moto yonde mutokola ki saye nzela ya yebi nzela te. Parce que Ebele, ils sont venus directement de Mbunjimayi. Ils ne maîtrisent pas Kinshasa. Yo, Mathieu, Ozana Simamoto, mais yo, Moutozo, la Kisaye Nzela, ya, yebite. Abi, ngana zo, mema, yo, la Kisaka Kanzela. Et mingi, bakomi, ko yeba, banzela, moke, moke, sikoyo. Alors, ba we, ba tu, ba, ba, ba, bandeko wana 2000, ba yaki na bango, pourquoi? Vous avez dit Félix a gagné des élections. Bolobi Félix azali les chouchous ya ba Congolais. Ba Congolais balingi Félix. Balingi gouvernement na ye. Balingi façon na ye ba décision. Balingi ye parce que azo bongisa mboka. Na ba saut de mouton, ba école, ba nini, azo bongisa mboka. Mais un président qui a été élu, oye kokuta armée nationale ezali. Police nationale ezali, agence de renseignement ezali, agence de renseignement militaire ezali. Pourquoi qu'on recruter kozala na ba milice na yo. Ba milice wana ezali po na nini? Félix a créé ba milice par-ci par-là. Na est ya mboka na biso ba communauté. Mais au niveau ya Katanga bazali déjà, na Kinshasa bazali déjà, il y a un groupe qui est formé pour que bakende Matadi. Oyo ezali président de la République. Azali ko recruter ba milice pour na ko terroriser batu. Bolandi na Kasumbalesa na Katanga, l'autorité de l'État ezali susute. Ezala ki d'abord précaire et siko ezali susute. Ce sont le milice, il y a président de la République qui font la loi. Ezali UDPS ou azali ko recruter batou. UDPS mutazo collectionner ba taxe. UDPS mutazo gérer ba taxe. UDPS a fongoli ba compte na ye. Et cet argent ezo kende na trésor public te. Cet argent ezo kende na compte il y a président na bango Félix privé. Nga mouton na lobby yangote, ba vidéo ezali, vous avez vu na Kasumbalesa. Na Kasumbalesa, c'est l'UDPS qui fait office de l'État. C'est l'UDPS qui recrute. C'est l'UDPS qui perçoit la taxe. Celui de PES qui gère ma taxe. Bandeko Bazali na YouTube, bon moni titre na biso tokomi, que Kabila contrôle marionnette na ye Félix. Parce que c'est Kabila qui a fabriqué Félix. Félix Azali, clone fabriqué par Kabila, il y a que Kabila yé moko mouto a ko maîtrisé yé, parce que télécommande, il y a la personne Félix, Azali et pas ya Kabila. Celui Kabila fini, stop, Félix stop. Celui Kabila fini, go, Félix go. Celui Kabila fini, Félix bouge, Félix bouge. Félix nomme, Félix nomme. Bandeko, je vous dis que situation est allée grave. Bon, l'andandenge, bateau yo Félix a recruté, te bazo yo sabino que tout va bien. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Nakasumbale, sandenge na zoloba, la loi, bango bato bazo sala, c'est l'UDPS, ba milice na ye. Excusez-moi. Et na Kinshasa, vous avez suivi quelques mois passés une affaire de 1000 Congolais. Tous sont venus du Kasaï. Bakena bango na Congo Brazzaville, soi-disant bakende kolanda formation militaire. Après avoir parlé avec mon officier Belé à Congo Brazzaville, na cadre ya coopération entre Congo Kinshasa et Congo Brazzaville, indice mon côté que les Congo Brazzaville et les Congo Kinshasa ont signé un accord ya formation accélérée ya ba militaire congolais RDC. Accord moko officiel les actes. Mais on a remarqué la présence de 1000 Congolais RDC na Congo Brazzaville bah, qu'est-ce qu'on a dans la formation militaire. Mais la question qu'on pose, parce que l'état-major, même de la police, même militaire, il y a Congo Kinshasa, officiellement, trace mon côté, Zali, que bah, Congolais, il y a Kinshasa, la police ou bien la défense nationale, ont recruté des citoyens congolais, bah, Tindi Bango na Brazzaville, dans Congo-Brazzaville, pour bah, la formation militaire ou formation de la police. Signe mon côté. Donc, Félix a recruté parmi les 2000 Oyayena Bango na Kinshasa, une partie 1000 Yango Tindaki na Congo-Brazzaville, bakenekolanda formation militaire. Tango bakozonga batouana, parce que ezali armée nationale mutatindi bangote, ezali police nationale mutatindi bangote, na tango bakozonga na Kinshasa, na Congo-Kinshasa, Félix akotia bango wapi? Bakozala dispatché na planning na bango pour na ko terroriser tout celui qui bouge contre Félix. Alors, Bouti Kolanda avant-hier va démanteler milice ya IDPS, ya Félix na Kingabwa. Et bandeko ya Kingabwa o bazalaki esika wana. Vous avez entendu bomoni masasi ebeti. Batu bazoki semble-t-il. Parmi batu oyo ba démantelé, la milice wana ya Félix na Congo ndenge na lobakango toyebanaka mingi mingi si nous parlons Lingala. C'est facile d'identifier que non, Moutou Oyo Azali Mouyaka, Moutou Oyo Azali Moulouba, Moutou Oyo Azali Moussoukou, Moutou Oyo Azali Moungala, Moutou Oyo Azali Mouchouaïli. Juste façon nabiso, tonalité nabiso à Kolobé à Lingala, ba langue nabiso ya ba province Touta, ou bien ba dialecte nabiso affecte notre Lingala. Ngai soki nazoloba Lingala, moto nyonso akokomprendre ke oyo aza Mosuku. Oyo aza Muyaka. Et vous avez remarqué que batu oyo bakangi kuna, milice bakangi kuna Kingabwa, ezalaki supervisé par Kabund. Et si kabavanda ki c'est Kabund qui paye pour la bango. Bandeko bavandi esika wana pembeni na Kingabwa, babandai komona bango, bazobima na bamoto, mingi mingi babimaka na babutu, bazongaka na batongo-tongo. Opération nini ya taxi basalaka tina ba 2h, 3h. Quand même si batu batambolaka mingi na mboka na biso na ba air wana, mais en tout cas, Kinshasa soko kei vers 2h, 3h, 4h, c'est rare au mona batu na balabala. Mais ces gens-là sortaient la nuit. Et ba détail boyebi yango que ebele ba témoigner bango moko bazali recruter na Mbujimayi. Bayaki na bango na Kinshasa pour bazwa misala. Bazopé Sabango va formation. On ne sait pas formation ni Bazopé Sabango. Donc, raison pour laquelle Bozomona a ce titre que Kabila a contrôlé marionnette na ye Félix. Parce que pays et zo qui n'a pas embrasé. Ce qui tout sali attention t'es. Et tout ceci, Nazopé Sabino, c'est provoqué par Félix. Et comme si on a dit que c'est la milice tribale, il y a un peu de monaka, Bamboka, et ça flamme, guerre civile et bimi. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des inconscients à la tête de Mboka Nabiso. des inconscients qui ne savent pas anticiper, des inconscients qui ne savent pas que Nasala Keba Nazali président Yatribité, Nazali président national, Nazali président Yamboka Mobimba, Nazali président Yatribité, et l'okonyon so oeza kokende, kope sa connotation tribale. Na gouvernement nangai, na présidence nangai, na kosala makasi na telemelango, na anticipé, na stoppé yango. Ba indisi nini tindaka, orientation politique tribale, batu basala ba groupe na bango, parce que bazo se retrouvé te, au niveau national, eh bien, bazali marginalisé, batu bako sala ba groupe piscure ya ba tribu na bango. Loko la tozali protégé te, to sala tribu na biso, et créé ba milice, to se protégé. Loko la bazo marginalisé biso, to sala boye, pour to se protégé. Un, népotisme. Moutou Oyaye a commis président de la République, Ndenge na wuti ko loba na loba ango toujours, a s'identifia kana tribu na yete. Il devient national. Même si azala ki chef coutumier, même si azala ki chef tribal, na tango ozui responsabilité nationale, vous abandonnez, vous suspendez baktivité na yo, au longo li couleur, connotation tribale na yo, aux huit connotations nationales. Quand vous devenez président, vous devenez Mukongo, vous devenez Muluba, vous devenez Mushwahili, vous devenez tout le monde na Congo. Que tout le monde se retrouve dans vous. Quand vous remarquez déjà un président de la République qui utilise ba mensonge pour na koloba tribu nangai ezali attaqué, massacré. Ti lelo totikala komona moto o azala ki attaqué te, ti lelo totikala komona moto o azala ki tué te. Alors, dès que vous remarquez qu'un président de la République commence à s'identifier selon sa tribu, donc c'est juste l'auteur oyo azali ko pousser bato na guerre civile. Parce que quand un président défend sa tribu par deux mensonges, sa tribu n'a pas été attaquée, n'a pas été massacrée, mais président a yé na mensonge na présidence, que tribu na yé ezali attaqué, ezala ki juste astuce pour que a favorisé tribu na yé. Moutouana azali instigateur principal, y a guerre civile. Il y a séparatisme. Deux, quand vous remarquez un président de la République qui ignore que cette fonction, il y a président de la République et Zali national, Natango Azali qui a engagé Batu Oyo Bakosala na institution président de la République, a tché 90% Batu ya tribu na ye, ba tribu moussou se kozala lese. Ba tribu moussou se bako se retrouve te na kati. Moutou wana zali instigateur ya séparatisme, instigateur ya tribalisme, instigateur ya guerre civile. Ya de vérité ba Congolais tolinga kolo banate. Trois. Un président oyo azali koya na mensonge. D'abord, vie na ye ezali mensonge. Il n'a pas étudié. Il introduit de faux documents pour se faire élire. Et pourtant, atikala kokoma na université wanate. Mensonge. Deuxième mensonge. On lui présente comme étant Moutou Oazala qui pembeni à papa naye, c'est-à-dire c'est la personne qui connaît la politique congolaise. mensonge. Et pourtant, vie na ye mobimba ezala ki na Bruxelles, na Kinshasa, na Matonge, na ba bistro, na ba Shekula. Félix n'a pas passé son temps à étudier la politique congolaise parce que ce qui a zalaka mutu aleki ayebi politique congolaise, les rapports mapping otozali koloba oyo docteur Mukwenga lingi akufela. Félix alingaka tangango à l'époque quand il était na IDEPES avec son père. Rapport mapping wana bimi lelote. J'ai même ma tête à couper Félix a tikala ko fungula page à rapport wana tata mokolo moko. Parce que ce qui a fungula kayango, il n'allait pas laver les Rwandais. Donc, ezali mensonge. Félix Azalaki, la politique congolaise, Azalaki, Azalaki s'occupait d'Angoté. Ce n'était pas son problème. Quatre. Un président de la République, Oyo, il semblerait qu'il a été élu, voté par son peuple, avec un slogan phare, Oyo Babengi. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord dans ça, je peux déduire un sacrificataire qui dit pas moi d'abord, qui dit pas ma famille d'abord, qui dit pas ma tribu d'abord, le peuple d'abord. C'est-à-dire, le peuple d'abord, c'est les nationales. C'est les nationales. Ce n'est pas les tribus, le peuple d'abord. Alors, quelqu'un qui s'est fait élire, entre guillemets, hein, par ce slogan phare, le peuple est d'abord, tout celui qui a introduit son bulletin de vote avec les noms de Félix Tshilombo Tshisekedi a été induit en erreur. Parce que cette personne a été mentie par Félix, votez-moi. Parce que moi, mon slogan, mon principe de travail, c'est le peuple d'abord. Alors, cette personne se reconnaissant peuple, automatiquement doit voter, sans analyse, doit voter pour celui qui vient avec ses slogans. On lui donne les crédits, il y a confiance. Voilà le monsieur de Barque au pouvoir. Ce qu'on voit, ce n'est pas le peuple d'abord. Ce qu'on voit, c'est ma famille d'abord. C'est ma tribu d'abord. C'est ma femme, mes beaux-parents d'abord. Quand je dis ma femme et mes beaux-parents d'abord, je fais allusion de sa femme, qui est une Rwandaise. Donc, ses beaux-parents sont des Rwandais. Il arrive au pouvoir à Yébi très bien que ma frontière n'a plus ses alliés malamouté. Hormis situation à malamouté, ma frontière n'a plus. Nous avons un problème, un conflit avec les Rwandais, l'Ouganda et les Burundis. Le monsieur, le peuple est d'abord débarque au pouvoir. Parmi ses premières actions, c'est d'autoriser l'aviation rwandaise de décerner sur le sol congolais. Félix sait très bien que ses frères africains rwandais rentrent au Congo, achètent la carte d'électeur congolaise et par la suite deviennent congolais. Félix sait que ses frères rwandais, ses frères africains rwandais, rentrent au Congo comme étant réfugiés, par la suite, sans procédure migratoire, ils deviennent congolais. Voilà, sans contrôle de nos frontières, il autorise l'aviation rwandaise de décerner le sol congolais. des gens qui débarquent chaque jour, mais ne rentrent plus au Rwanda. Si dans l'avion Rwanda Airways, il y a 150 Rwandais dedans qui rentrent au Congo, cet avion va retourner au Rwanda avec 50 Rwandais. Où partent les autres? Quand vous vérifiez le lendemain, ils ont la carte d'électeur congolaise et par ricochet, ils deviennent congolais. Et ces gens se regroupent à Minembwe, au Kasaï, dans les Masisi, Uvira. Je disais que le slogan « Le peuple d'abord », c'était un mensonge, une escroquerie. Depuis que Félix Azaline a pouvoir, on ne voit que des actions qu'il a récupérées dans ma prédécesseur Naïe. Service national, j'ai suivi les conseils des ministres de la fois passée. Malobi Félix Béton, Alinga Salis, sa service national. Mais le service national, c'est un plan qui se trouve déjà dans Katia Barchi via gouvernement. C'est Laurent Désiré Kabila qui est venu avec le service national. Mais voilà nos frères avec mensonges, cru, boyé, Namoï Makasi. Pour, si vous voulez devenir Dieu ou savant, il faut chercher ses frères ici, comme ils sont Nzambe. Parce que Bango Kokosa, na moi makasi, il regarde sans rire. Bakomi Koyemba, Fatih Béton, service national. Le projet des 100 jours, il y a Fatih Béton. C'est le projet qu'il a récupéré. Na Tshibala, gouvernement Tshibala, il a juste changé de nom, après c'est un combo 100 jours. Gratuité de l'enseignement. Il a récupéré ça. Donc, Félix est venu au pouvoir, mais bredouille, Namutu et Lokoté, Libungutulu, zéro. Je vous dis et je mets ma tête à couper. Boko kanga Félix, le lobo kotien na kata salmoko, bokangi salona botike le biloa ko liya makamunyoso. Après 2 mois, Félix a bimana projet de société. Félix a kobima ba papier vide ndenge bokot sakie. Le leadership est allé copier ça exemple. Yo, il faut y na bongo na yo. Yo, mouto zali ko guide batu. Ngaite te mout na zoro bango, Félix l'a dit, yé moko, ayebi loko vogote. So a komi na pouvoir, Kabila moutako la kisaye. Comme Kabila zali pe li bongo tout le loko la yé moko, alors, qu'attendez-vous que Félix a ça là? Et loko mokote. Vous remarquez que Nambo Kanabiso, Félix a comme ici première dame une institution nationale. Je sais ce qui m'a comme président. Moi, si naïe, famille naïe, bazali géré na Oyobabengi maison civile. Budget na Bango ezali. Na cas d'espèce, na Congo, budget ya maison civile. Ezali 2 millions de dollars. Budget na bango. Tout ce que vous allez faire, budget na bino annuel, ezali ya 2 millions de dollars. Voilà la Niakeru. Fini les 2 millions de dollars. Ba voyage na ye siko e komi, il faut trésor public abimisa mbongo po ye a voyager. Vous avez vu une lettre? Oyo finance. Azali ko financer voyage ya Nyakeru na Belgique. Mais le budget ya maison civile ke wapi? Mobali koto yo budget ya présidence. Azosil ya une année, azosil sango na 1 mois. Moi si kuna na maison civile, budget ya maison civile, asilisa déjà. Et ils harcèlent Les comptables d'État, ils harcèlent la Banque centrale, le Trésor public, le ministre de Finances, pour que Babimisaka toujours Mbongo, va forcer toujours Mbongo soit écouté, Mbongo et Bimi. Kokote zokota et Bimi. Et Kobime zobima pour na le peuple d'abord, Mbongo zobima pour na famille Félix d'abord. Je ne sais pas, parce que vous savez, campagne Oyo, bonjour, parce que na l'humanité, équipe Moussous Cézali a concevoir ba mot. Concevoir ba mot ou ba groupe de mots, Oyo ko terroriser les Congolais, Oyo ko effrayer ba Congolais, pour que ba lobela yango te, ba tika Félix calme, a détruire Mboka na biso na calme. Parmi Bamon, Bozali ba aîné, Bozali ba tribaliste, ba jaloux. Donc, ce sont des mots oyo, ba kendakana tongo soki ba lamuki, ba tuni boni boni, kuna moya sikezate a ezali, monin tribaliste. Moutou nyonso o akoya alobi a. Balobi budget ya présidence. Basili si yango na un mois, bango ba bombarder tribalisme. Mais qu'est-ce qu'il y a de tribalisme na un Congolais qui demande, qui questionne pourquoi le président de la République Oyo ayebi ke mboka ezali na souffrance makasi. Peuple na biso ezali ko souffrir. Oyo aye na slogan ya le peuple d'abord. Pourquoi budget ya mbula moko Oyo ba tie po na ye na fonctionnement makamo nyonso 17 millions de dollars. Mais pourquoi ce président a consacré sa nyonso 17 millions de dollars na mwa moko? Donc, ba mwa o etikali 11 mois mobimba, mbongo ezate a silisi nyonso na mwa moko. Alors, Congolais o ya kotuna question anan. Même si vraiment tozali ba idiot, qu'est-ce qu'il y a de tribalisme na kati wana? Un Congolais qui questionne sur la gestion financière de la présidence. Il y a président de la République où ils allaient institution na yé. Amoni clair te mbongo esili na un mois. Pourquoi? Tribalisme outi wapinesika wana. Aîné outi wapinesika wana. Jaloux outi wapinesika wana. Donc ce sont des mots que ces gens na ba groupe na bango ya ba officine na bango ya ko raisonner. Bazali ko tia bango na mutu mikolo nyonso boye kola. Sans pour autant bazwa même la peine. Il y a quand même le dictionnaire, qu'est-ce que ça signifie mot où on a utilisé. Donc, ce sont des mots qu'ils veulent effrayer des Congolais pour que balobe la gestion ya Félix T. Balobe la Félix T, batikayeti mandana yeko sila sans opposition. Mais en tout cas, ce que je sais, moi comme étant Mouyaka, Tokotikate. Même si Félix a longué le pouvoir, ces questions que nous posons, et qu'Olanda Félix, et qu'Olanda Bananaye, et qu'Olanda ba génération Nyonso de la famille, Tokoti Kanaba écrit, Bananabiso va se souvenir, à un moment donné de l'histoire de notre pays, il y a eu une famille, il y a Bescro. Oyo escroqué peuple congolais pendant 37 ans, baye ko zo pouvoir n'escroquerie, baye ko détruire mboka n'escroquerie, et banana biso, monde ya lelo eza susu monde ya kalate, na tango bagizenga babandaye ko kosa batu ke non, ye ali mwaka, ye aza na livre d'or, congolais aza na kapasite te, parce que erwa na internet ezalaki te, de vérifier na internet, Google ezalaki te, ako yeba, livre d'or c'est quoi? Les congolais ne savaient pas. Surtout Batabandou, nous ne savions pas que le livre d'or, c'est juste un livre, un cahier comme ça, un cahier. Ce sont des papiers. Les Congolais croyaient, Gizenga faisait croire à Batabandou que le livre d'or, ils allaient na ba wolo na wolo, bic nango, or, encre nango, or, yango pe, or. Yango secret nyon ce livre d'or wana, Gizenga a zwa yango, yango mboka na biso ezo développé te, Gizenga kenda nango na richi. kozonga ye kozonga wapi livre d'or ya bato kendeki nango aza kobeta misu lokola muyibi kobeta misu wapi livre d'or okendaki nango wapi yango. Il arrive na conférence nationale souveraine. Un conférencier pose cette question. Gizenga, tu yeba ike ye mutakena la livre d'or. Lelo Gizenga yeyo na katia sal. Ke Gizenga sorte ce livre d'or là. Quand Gizenga prend la parole, qu'est-ce qu'il brandit? Azo brandir cassette. Boye ba cassette, ba na mike ba ebite. Ba cassette auto, bande ko tchako enregistré la musique. Ba cassette. Aye na cassette. Cassette oyo maloba ya Lumumba ezali awa. Non, biso to bandai kozela maloba Lumumba te. Maloba Lumumba nyonso biso to yebi yango. To bandai kozela livre d'or ya bato kende nango wapi yango. To teka ta yango parce que to zo luka mbongo. Parce que livre na ba or yo lobaki. To teka ba or wana. To zo mbongo kwa yuko futa meme infirmier moko meme mibale. Ti lelo Gizenga isamblere livre d'or na ye aken nango. Na tango akufi bake kukunda ye. Tomoni te livre d'or bache na serkei. Tomoni yango te. Na babie Gizenga tike li bana na ye ba lugi. Tomoni te na liste ba koma na tiki livre d'or e sikabwe. Ezate. Siko livre d'or ya batu akende nango wapi. Ateka yango na Moscou plasa zalaki ubi asalani. Donc, toza sus na periodo wana te ya antikite. Oyo bache seke di bakosi batu. Na zali premier docteur en droit. Un premier docteur en droit oyo aza akoma ata phrase mokote. Un docteur en droit, thèse ezate, papier moko recherche ezate, et totikali komona yete ata une phrase parlée que non moto oyo azali docteur en droit. Donc, mitwana ya batwana, cette période c'est fini. Et voilà, Félix vient. Il vient avec cette même méthode, il y a papa naïe. De croire que les Congolais sont toujours abrutis, ils sont toujours abrutis. Ils sont toujours abrutis. Ils sont toujours abrutis. Dans le siècle, il y a des gens qui ont IT, il y a informatique. Félix vient sans rire à cause de ce qu'il a étudié. Quand il y a des Facebook, des camarades sur Facebook, il y a des challenges. J'ai mis des photos de mes collègues à l'université. Il y a master, il y a doctorat. Ce qui est bon, il y a une liste de professeurs partout. Les photos sont là. J'ai demandé, Félix a occupé, peut-être, bande de connions au Oyo Bazali Kolanda, Félix, que Félix a étudié. Il y a une photo moko, mi balete. Moko kaka, pas deux, une photo. Il y a Félix Nakati à salle auditoire à Zotanga. Tout le monde a yango. Bope sangai kombo, il y a moutou moko collègue. Il y a université à Félix Moko. Pas deux, pas trois, un seul nom. Il y a collègue à Félix dans une université. Botange langa kombo, il y a université. Wana. Lelo, ce qui est na Google, peut-être balobi ah prof oyo azokosa esika bo vandi bandeko soto si si live oyo kende na ordinateur na yo même na telephone na yo kende na Google koma na Google recherche na Google koma Félix Tshisekedi Tshilombo biographie Félix Tshisekedi Tshilombo eloko bo komona na kati kuna il est né à Kinshasa ba sauté. Il était membre de l'UDPS et puis président de la République. C'est fini. Ce qui est pour le combo, il y a Kabila. Ndenge moko na Félix. Il est né na Esika Boye, ti président de la République. Mais non, mais ce qui est pour le Yombi, Bobeta Yombi, Esika Bovandi, c'est aussi ici live. Vous allez voir. Vous allez voir. Sikoyo. Est-ce que nos enfants n'ont pas besoin d'un parcours scolaire d'un président de la République? Parce que le président de la République doit être un modèle. Il y a banana biso. Un modèle, il y a solidité. Un modèle, il y a kotanga. Parce que banana biso bazwaka goût, il y a kotanga par rapport y a biso ba parents. Alors, ba parents oyo bazwe chance ya kotanga te. To yebisaka banana biso nini er bazoke na classe na tongo. Mikolo eza rentrée scolaire. To yebisa banana nini. Sala makasi tanga po okoma mutu. Tala ngai na zwi chance te ya kotanga. Yo tanga okoma mutu. Est-ce que bana na biso lelo na Congo, mutu o aza président de la République, azali modèle pona bango, apesa bango gu ya kotanga, ou bien azali mutu o azo décourager bana na biso bazwa gu ya kotanga te? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Alors, ce que balobi Félix a raté l'école, la question que je pose, mes chers amis, pardon. Parce que ce qui est important, c'est important. Moi, je sais pourquoi je l'ai dit. Ce qui est important sur Facebook, c'est qu'il y a des parents coréens qui viennent avec leurs enfants dans le bureau. Il y a des parcours. Parce que pour les Coréens, parcours est fascinant. Ils sont un modèle pour les parents qui ont des enfants. La photo est ceux qui ont des camarades ou des coréens, si vous avez Naver, Naver est le code Google des coréens. Si vous avez audio ou bien une vidéo, vous avez des Luka Korea, comme il y a des coréens, na Naver wana, comment yombi. Vous allez voir comment est-ce que des gens viennent na bana na bango na bureau na ngai, na pesa bango, na expliquer bango parcours na ngapo et motiver bango pour na kotanga. Livre, un de mes livres, et comment ba Koreye, comment ko somba atangi, aye pa nangaye, na expliqué ye, a komi ko kende ko sala mbongo na livre, na bokomona, My name is Yombi, bon, de livre komo nango, mon nom c'est Yombi, vivre comme réfugié en Corée. Livre o nazali kolobake, et bima, meilleur livre vendu, pendant au moins 4 ans. Ba Koreya bazwa ka formation na livre na ye a tout ni explication a komi ko tambola ko sala ba lecture na livre wana expérience ya Monsieur Yombi. Donc biso mikolo tu il faut to zala ba modèle na côté ya kotanga po na bana na biso. Président de la République il faut zala modèle po na kotanga ya bana na biso. Mais le deux présidents qu'on a eu na Congo, Félix na Kabila, bazali batu bazali ko décourager bana na biso pona kotanga. Na tanga pona nini Kabila tanga? Na tanga pona nini Félix atanga? Mais batu oyo bazo ko attaquer biso que Félix atanga tanga te, ba professeur, ba tanga, ba docteur, bango bazo détruire mboka na biso, nga na tangisa na Congo te. So bolobi ke naza professeur, oui naza professeur, mais naza professeur ya Congo te. Naza congolais, mais naza professeur ya Congo te. Il faut faire la différence. Et si ka nazali professeur, et si ka natanga, koloba te ko Congo na Congo batangi si yo, yango ekoma professeur kuna te. Nga natangi awa. Nazali produit ya awa. Alors, ce que bolobi professeur, il faut que juger nga par rapport ya rendement ya ba professeur ya awa ici ka nazali. Na tangisa kunate, ba formenga kunate. Et pourquoi pour condamner les professeurs, vous m'incluez dedans, vous autres changez la carte. Na ya kotanga na bourse à Congo te, Congo appelle ça bourse te. Alors, batu oyo bango mi balé, bazali ko décourager ba na biso. Mais ba beau frère, ba milouvor, oyo bazali ko attaquer biso, na tongo tongo oto, zomo na rentrer, ba na bango bazo tinda bango na classe. Bokele na classe, ya kende malamu, ya, tanga malamu, atanga malamu pour la nini. Parce que vous favorisez que au pays, tous les gens battent à la tête du pays, où il y a semi-lettré. Vous favorisez la semi-lettré à la tête du pays, mais par la suite, vous-même, vous envoyez vos enfants à l'école. Pourquoi? Pour mon avis, qui est rationnel, je vais voir tous ces millevaures qui défendent Félix, je vais voir vos enfants rester à la maison. Batangate, basé la chance et le copain baloko la Félix Azelaki. Et la question que je pose ici, voyez bisabissodon. Comment et quand, qu'est-ce qui s'est passé pour que Félix rate l'école? Parce que Ah, Félix n'était pas n'importe qui. C'est l'enfant de Tshisekedi wa Mulumba. Nanivo nini, qu'est-ce qui s'est passé pour que Félix rate l'école? Bazanga ki biloko ya te, bazanga ki ndakote, bazanga ki mbongo te. Félix asa mutu moko, il fallait qu'il ait une école de luxe. Parce que bazanga ki na mbongo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la famille ya Tshisekedi pour que cet enfant rate l'école? Ce qui est une question, réponse à la question, vous allez comprendre que Félix a raté l'école pour na kozanga mbongo te, pour na kozanga ndakote. Pour na kozanga esika okende ya kene kotanga te, Félix a raté l'école parce que azali handicapé intellectuel. Azali handicapé intellectuel. Ça, c'est vrai. Batuba koloba ke non ezabu ete ezali ndengwana. Soki ezali ndengwana te boye bisanga, comment, pourquoi, quand Félix a raté l'école? Bon, personne n'a réponse. Alors, sécurité en Bokanabiso, si ça va pour être calme, balé. Namasisi, Balanabiso, école primaire, bazo sala examen pour passer dans la secondaire. 5 élèves, Namasisi, assassinés. Bah, innocents. Ba outi ko sal examen, ba zozo nga ndaku, ba yebi makamba politik na bino te, ba minere na bino ba mona yango nanu te, ba zo we la pouvoir na Félix te. Ses enfants assassinés froidement. Toloba, bolobate, aîné, jaloux, tribaliste. Donc ça vous fait plaisir. Yakoyokaka chaque jour 12 assassinés, 40 assassinés, 220 assassinés, 5 assassinés. Pourvu que Félix reste au pouvoir. N'est-ce pas le même Félix qui nous a promis, Yesu qui a commis président, dès le premier mois, Azotia état-major, Nabangambo Oyamasisi Oyo. Et là, on a Bobengi menteur. Menteur ezali moto oyo azali kopesa ba promesse ya lokuta oyo akoki korealize te. Menteur ezali moto oyo azali koloba eloko oyo ezali vrai te. Est-ce que na Masisi bana babomi bango te 5? Est-ce que Félix alobaki te akende kotia base kuna? Akenda kotia yango? Azali menteur te? Nalingaki ko remercier awa mutu moko akomelinga oza mutu alamuka mekoma naloba yango toujours nga naza na groupuscule politique moko te naza na famille politique moko te moi je suis congolais muyaka au niveau national je suis congolais au niveau sectoriel je suis muyaka je pense que la semaine passée, j'avais dit que l'ambassadeur du Rwanda au Congo doit être expulsé. Parce que cet ambassadeur azali négationniste. Lelo na monde, vous savez, na kota réunion moko ya ONU à New York, je pense que c'était en 2013, donc 2014. L'ambassadeur, le représentant diplomatique, il y a Rwanda na ONU à New York. Aleki na tribune azo senga que ba négationniste ya génocide ya Rwanda baza la condamné lokola batu oyo baniaka holocauste ba massacre ba juifs. Les Rwandais, jusqu'à présent, les demandent que ceux qui ont nié génocide du Rwanda, ils ont dit qu'ils ont nié génocide des Juifs. Nous, on l'accepte, on sait, il y a eu génocide au Rwanda. Mais ce qui est bien goûté, dans Rwanda, au Lekina Media à Rwanda, qui est le génocide à Rwanda de Salamate, ce qui est allé moutou au Yébani, les mêmes jours, aux allés expulsés. Ce qui est Yébanité, bako lukanda kuna yu esike aux allés, bako bomayo. Parce que aux allés qu'on niait quelque chose qui est vrai, qui a existé, les faits sont là. Mais eh bien, voilà, c'est le Rwanda. Na ambassadeur na bango Vincent Vincent Kagerega, something like that, qui nie les génocides na Congo. C'est-à-dire que les 12, plus de 12 millions autres Ozali Koloba, Ezali vrai. Ambassadeur ya Rwanda na Congo a lobby yango mbala moko te. Soki bokeyi na Twitter na ye bokomona ba tweeté belé ya zopanza. E salamate, ba massacre oyo e salamate, faux, ezali lokuta. Donc na Congo ba violate, ba bomate jusqu'à présent. Na otako lobana na vidéo eleki, ba bengisi ambassadeur ote. Félix l'a invité juste pour na ko renforcer coopération Rwanda-Congo. Alors, j'ai remercié Martin Fayoulou parce que dans mon tweet, il y a Martin Fayoulou, où il a se joindre dans la position d'Abisso, que non, l'ambassadeur, il y a Rwanda, dans le Congo, il ne faut pas expulser, Azali négationniste. Mais, banane bazo défendre l'ambassadeur, il y a Rwanda. Bah, tu as Félix, il dépèse. Naba Milouvor. Où il y a Azali qui locate Bandeko. Donc, pour Naba Milouvor, position ya ambassadeur ya Rwanda na Congo batu bakufa te. Donc kamwena ntsafu wana batu bakufa te. Na est na biso batu bakufa te. Na est na biso batu baviola te. Bundu dia Congo baboma bango te. Nyonso oyo po Félix azalaka na pouvoir. Yango na zoebisa bino ke ezali responsabilité na biso ba Congolais tozo senga na kabila mutu wa fabrika Félix a maîtrisé créature naïe. Nous demandons à Kabila de maîtriser sa créature. Parce que sa créature a zo même mon boulot dans les sacrés na Congo. Tous allant la période à Mobutu, tous allant la période à Kabila 1-2, tout le monde qui a été, tout le monde a vraiment séparatisme à Boyé au niveau tribal. Nan ezali ko tcha moto na niveau tribal. Ezali Félix. Quand vous voyez par exemple même l'histoire de Mokiala. Parce que Mokia c'était un abruti. Baye ba kosiye, c'est facile ba kosaye. Mokia c'est comme Félix. Ba tu ba ko yiko ya ko kosaye ba ko kosaye aux ala manipulable. Alors donc, ce qui Kabila contrôlait, Félix était parce que c'est lui qui a créé Félix. Ce n'est que lui qui peut le contrôler. Ce qui a contrôlé était, c'est très, très grave. Tosili ça, comme d'habitude, toujours, Mikolonde Tolobaki. Merci na bande konyo so o bazali ko sala advocate pour na docteur Mukwege. Merci à la ville de Bruxelles. Bon, moi, la ville de Bruxelles, ba building nyonso, ba effigie ya Mukwege, ba protégé. Merci tomoni na moni na la au commissaire pour na droit de l'homme ya ONU, yemoko personnellement. Et là, s'est exprimé que Mukwege doit être protégé. Le gouvernement congolais azali na volonté à protéger Mukwege. Ce que Félix dit, c'est pas ce que Félix fait. Jusqu'à présent. Pour ne sécuriser Mukwege, les militaires sont en train de Mars, la planète Mars ou bien la planète Nini, les militaires sont en train de se faire. Les militaires sont en train de se faire. Ce qui Félix Azali n'a volonté, juste un coup de fil, Mukwege sera protégé. Mais jusqu'à présent, Mukwege est terré dans la chambre. Mutazo protégé et azate. On demande à l'ONU, à Zongi Sabagad, ou à Tchela qui est, parce que Balongola qui est bango. Mukwege ne peut pas travailler maintenant à Zali na kata chambre terré. Moya bimaizate. Et Félix y est, bah, tout le monde au commissariat pour les réfugiés, pardon, au commissariat pour les droits de l'homme, bah, ça clair. Namoni ba presse mususu canadien, namoni ba presse mususu belge, Europe, partout, na Australie, namoni. Bah, yebi très bien que c'est le gouvernement rwandais qui menace Mukwege. Ce sont ce qu'on appelle les Banyarwanda qui menacent Mukwege. Mais Félix, Félix n'a pas écouté, n'a pas suivi James Kabarebe. Félix y est, Azo ling enquête. Enquête au côté Yambongo, Ezo Bunga na kati ya bureau na Yemoko. Enquête Azo Salate. Il y a docteur Mukwege ndi akosala enquête. Tout le monde a vu ça, sauf Félix. Il y a lobby enquête. Il y a ma vidéo Oyo. Donc, James Kabarebe a fait Félix a yo kakangote. Il fallait ndé. James Kabarebe a sala ba vidéo na Chiluba pour Félix a yo kabia sala na mnokonini parce que il a dit. Tout le monde l'a suivi. Tout le monde réagit, sauf Félix. Voilà donc, mes chers amis. Merci Mingi pour la colanda biso, merci Mingi pour la vocabula, merci pour la s'abonner na chaîne na biso YouTube. Na yoki ke na zana plaisir ke na Australie kuna batu bazo boka ngunda na parti politique o babengi Prof Yombi Vision. Parti politique, Prof Yombi Vision. Mais il faut tout le monde appeler ma membre à parti politique. Va s'abonner à la chaîne Prof Yombi Vision à YouTube. Oh, parti Nini Zanga, ma membre. Va s'abonner à YouTube, Nabiso. C'est facile. OK, Prof Yombi Vision, au cliquer, s'abonner, notification, au cliquer, surtout aux live, vous voyez mon balamoko. Voilà, donc. Et comme il parti politique. Bah, tu vois comment il boit quand on gonda. Alors, c'est quoi? Il faut soutenir Yango. Mukolomso bo mona ki Imperium parce que tu sais que c'est Imperium. Bo cotiser ba mbongo passer par là bo pessier. A escroquer binoti a kufi a tiko yebsa binoti ki a tiko yebsa binoti mbongo na sala ki na wonini. Bino kutete langa moko parce que moi aussi j'ai donné. Alors, nga pe na koluka Imperium na ngai parce que nazomona batake eza ebele yakabeyaka mwanga Air Force. Par-ci, par-là, kabeyaka mwanga Air Force. Bazo atake na butu na moyi partout internet batondi ebele. Alors, bino pe ba membre ya Prof Yombi Vision. Bozala pe ebele. Parce que so boza ebele te, toza moke, to osala face na kabeyaka mwanga Air Force te. Voilà donc, mes chers amis. Merci. Week-end na malamu po na bino nyonso. Malembe, malembe, bo melaka mingi te, bo modere, et to se comporter malamu. Alors, to koutani peut-être na debi la semaine prochaine. Et po na lelo to si wana, soutenons notre frère Mukwege, azala protéger, to zana besoin na ye, to koui ko perdre ye sikote. Na moment où yomutu o to zana besoin na yete to lingi vraiment to perdre ye même sikoyo ezali Félix na Kabila. Donc les restes to zana besoin na bango, hein? Des gens inutiles comme Félix ou bien Kabila, to zana besoin na bango te. Donc Satan a accéléré azwa batu na ye yake na bango. On n'a pas besoin de ces gens-là. Donc bokabola ba o bazana bazaki na tan Rolanda biso te balanda biso et merci, merci, merci Mingi pour la bino nyonso. Bye bye. Thanks. Voilà. On commence par là.